tongue on your natty tube. Tia faki avaki. Timbakila se fait pour changer toute ma vie. Oh non, je ne te quitterai pas. J'ai tant besoin encore de tes baisers. Se fait pour m'empêcher de partir. Oh non, je ne partirai pas, car notre amour ne doit jamais mourir. Zaradémo lupané, pantanana zara, zana colutara pané. Tu manga ti mamua, va una vigne. Via vitia vama, va un uno. Kumba no isa watia, a fortiere. A se fait pour changer toute ma vie. Oh non, je ne te quitterai pas. J'ai tant besoin encore de tes baisers. C'est le mot, un baiser de toi. A se fait pour m'empêcher. Pas, car notre amour ne doit jamais mourir. Zala demo lupane, pantanana zala, zana kolutara pane, panie niko. Bumba no isa watia, akotie. Tumanga timamua, va muna vinye. Via vitia vama, va mununo. Kumba no isa watia, afotie. Zala demo lupane, pantanana zala. Zana kolutara pane. Tumanga timamua, va muna vinye. Via vitia vama, va mununo. Kumba no isa watia, afotie. Zala demo lupane, pantanana zala. Zana kolutara pane, panie niko. Kumba no isa watia, afotie. Tumanga timamua, va muna vinye. Via vitia vama, va mununo. Kumba no isa watia, afotie. Sana kolutara pane, panie niko. Kumba no isa watia, afotie. Tumanga timamua. Naona zanzana kunula sabinani. Sef sef armi sen sento mitumani. papa ure mira no maso. Na wona zanzana kunula savinani, msef sef armi sent sent to mitumani. Nauti manatuna nambate anuntani fa fa ure nira numasu Tina umire ni fanadina ni zaina tau Kaveri evtarne ni amzof toni zau Inu narebe nu atapu Anu yivesa yijanunegu Ife narana de chivita mura rasumbi naina Kanichi yanata de surya vetani ala wansaina Nara nara zana kunomba tukunaina Tia nara rei azamura kivi Ife nara nade chivita mura rasumbi naina Kanichi yanata desuri avetani ala wansaina Nara nara zana kunumba tukunaina Ia nara rei azamura kivi Bidu fusare mnifia nara nizaya dao Itifa umbiaza natimia damzofia inanizao Yeneza neye yazamura kivi Saule ni namu leto nilandao Mayeneza neye yazamura kivi Saule ni namu leto nilandao Thank you. Thank you. nini malala ko adesa wamba marari fo isara kamina wo mari ni fa mabifisara na tifiti ni malala ko adesa wamba marari fo isara kamina wo Swam tangwa kai funa kwami no malala chiku wantuni Tatu watunu kara na njuni taba Ambara za samba miswa Kiswa kutanguwa Kaifuna kwa mino malala Aegi tapanga miyani Patifali avino kukone yani Sityo kureda reda Sityo kupita pita ka Teuta lua Sotena na tukia nao Famili zao Ita kwa doyuka I'm not afraid to die. Oh, my love. maïta miuna paisano anjara, kotiril kufin kujavan, atutono, eni, atutono, atisi kiara di, veri di. agnello porterà in un ambito male. Asa mangetto che suru casa tova. Love of maliki tizawe azafage. Sinui fahadalama fatia kulwa tanoro aburi ene. Fatigue ou dit, ou quick.